Donc oui, alors moi je me présente, je suis donc fouilleuse, je suis chercheure au CNRS, au CEPEL, c'est le Centre d'études politiques de l'Europe latine à Montpellier, et je suis chercheure associée au CIRAD, le Centre international de recherche et coopération agronomique pour le développement. J'ai longtemps travaillé sur la politique agricole commune et ses transformations à travers une approche, c'est de comprendre comment, une approche du changement de politique publique, c'est de comprendre pourquoi pendant tout un temps on ne réussissait pas à changer cette politique et d'un coup à partir des années 90 on a réussi à la réformer de façon majeure, on peut dire, et j'essaie de comprendre à la fois la fabrication, la production des idées, leur circulation et leur institutionnalisation in fine à travers la mise en place d'instruments de politique économique. Et puis ensuite, je suis partie à la FAO pendant 2 ans, j'ai travaillé à la FAO comme policy officer, j'étais en fait visiting scientist, mais je travaillais là-bas comme officier, entre guillemets, je m'occupais de politique agricole, notamment en Afrique, puisqu'il y avait une demande de la FAO de mettre en place, enfin des pays africains à la FAO de mettre en place des politiques agricoles communes, et donc moi j'étais intéressée d'aller voir ce qui se passait dans ce genre d'institution, eux étaient intéressés par ma connaissance de politique agricole commune européenne, et j'ai donc travaillé 2 ans avec eux, et ça m'a ouvert sur les questions de politique agricole des pays dits en développement, contrairement aux politiques que je connaissais, qui étaient plus la politique européenne. Et donc voilà, et puis ensuite, donc j'ai continué... Excusez-moi de vous interrompre, ça donnait lieu à un article dans la revue Autre Part, sur lequel on avait dirigé avec Alia, restructuration agricole à l'Est et au Sud. Pôle Sud, oui. Qui vient de sortir, oui, qui est plus sur la question du transfert politique publique, moins... Je crois qu'autre part, c'était plus sur la mise en perspective avec l'expérience européenne. Oui. Et là, dans Pôle Sud, c'est la question du transfert de politique publique. Est-ce qu'on peut transférer, ou à quoi ça renvoie le fait de vouloir transférer une politique d'un continent à l'autre, voilà, avec, dans des contextes évidemment éminemment différents. Et donc, ces questions de politique africaine, j'ai un peu laissé tomber. Enfin, ça renvoyait des choses que j'avais plus envie d'étudier. C'était un peu déprimant, je trouve. Et donc, je m'intéressais. Enfin, l'idée de, effectivement, d'aller expliquer comment. Et c'est ce que font un tas de collègues que j'ai au CIRAD, hein, d'expliquer dans ces pays-là ce qu'il faut faire pour faire de la bonne politique agricole. C'est vraiment pas ma façon de voir les choses. Donc, j'avais plus envie de travailler sur ces questions-là, puisqu'on était renvoyés sans arrêt à des demandes d'expertise de ce type-là. Et donc, depuis 3 ans, on travaillait avec des collègues du CIRAD aussi sur un projet ANR qui s'appelle NORM et qui vient de se terminer et qui portait sur les standards durables en agriculture. Et c'est-à-dire, essentiellement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais là, je vais essayer de le remettre en perspective dans cette intervention-là avec d'autres types de standards volontaires, mais ce sont des initiatives multiparties prenantes qui émergent autour de grands produits agricoles, de grandes commodities qui s'échangent sur les marchés internationaux. Moi j'ai essentiellement étudié l'huile de palme et le soja, c'est-à-dire c'est des tables rondes pour le soja responsable et la table ronde pour le palmier à huile durable. Et on essaie de voir, je vais vous expliquer un peu ce que c'est maintenant, hein, mais bon, voilà, on a travaillé, il y avait quelqu'un d'autre qui travaillait sur le FSC, les forêts, Forest Stewardship Council, qui sont aussi des démarches de certification volontaire pour mettre en place des pratiques durables, forestières durables. Et donc on essaie de voir à quoi ça correspondait, l'émergence de ces instruments-là, comment ça se met en place, sur quel type de discours, et ensuite est-ce que ces dispositifs-là tiennent leurs promesses, notamment en termes de durabilité. Et donc on a approché un peu ces instruments nouveaux qui émergent depuis le début des années 2000 dans le domaine agricole et alimentaire. Donc moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est issu de ce travail sur ce projet ANR. Et c'est sur... Je propose l'hypothèse selon laquelle il y aurait une émergence d'une communauté transnationale des standards durables, des standards volontaires durables, on va expliquer exactement ce que c'est, et qui... Qui illustre pour moi l'hypothèse qu'il existe en ce moment un mouvement de transnationalisation des politiques agricoles, et j'aurais dû mettre des politiques agricoles et alimentaires. Donc, En fait, mon point de départ, effectivement, c'est de dire qu'on est passé d'un processus d'internationalisation à un processus de transnationalisation. Alors, pour être très simple, tout de suite, la différence, c'est que, alors qu'on était dans une phase d'internationalisation avec la mise en place, enfin, avec l'interaction entre États et organisations internationales étatiques, on va dire, ou interétatiques, on assiste maintenant à une transformation des politiques agricoles à travers des processus qui s'appuient beaucoup plus sur des acteurs privés. Donc internationalisation plus privatisation égale transnationalisation. C'est la définition que je fais. Alors très rapidement, pour renvoyer à ces travaux-là que j'ai fait au début de mes recherches, on a mis en évidence, il y a tout un tas de chercheurs qui l'ont fait, ce processus d'internationalisation des politiques agricoles avec une articulation entre l'émergence et la position hégémonique sur le forum scientifique des économistes du welfare et en particulier des économistes qui étaient spécialisés sur les questions de commerce international qui travaillaient de façon étroite à partir du milieu des années 80 avec une organisation comme l'OCDE et qui ont produit tout un tas de modèles, d'outils, d'analyse qui ont permis de mettre en place des critères d'une bonne politique agricole et qui ont complètement changé à partir des années 80 la vision de ce que c'est qu'une bonne politique agricole. Et essentiellement cette vision-là, c'était le fait de dire qu'une bonne politique agricole, c'est une politique agricole qui ne distord pas les marchés internationaux. Et donc, à partir de la production de ces idées, entre guillemets, sur le forum scientifique, académique, et son travail dans un forum particulier qu'est l'OCDE, on a une migration de ces idées sur des arènes de négociation particulières, et une arène de négociation particulière qu'est l'OMC, avec la mise en place, à partir de l'utilisation et de l'instrumentalisation en fait, des outils produits par l'OCDE, l'ouverture en 86 d'un nouveau round de négociation OGATT, qui met fin à l'exception agricole et qui donc permet officiellement de discuter des politiques agricoles au même titre que des politiques industrielles classiques, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça a été vraiment le point de départ pour une libéralisation très forte des politiques agricoles, à la fois au niveau européen. Enfin, moi j'avais étudié ça pour essayer de comprendre comment ça s'était mis en place au niveau européen, mais partout dans le monde. Et c'est vraiment la mise en place de cette négociation plurisectorielle au sein de l'OMC qui a permis la mise en place de leviers, de rapports de force qui ont pu imposer les changements dans des secteurs agricoles où c'était plus difficile de le faire autrefois. Donc, vraiment une internationalisation des politiques agricoles, donc un changement sous pression, enfin, à travers des processus internationalisés de production et de circulation des idées, et leur institutionnalisation à travers cette organisation particulière qu'est l'OMC, et on peut souligner que cette internationalisation se fait sans médiation sectorielle. C'est-à-dire qu'une organisation internationale qui aurait pu être là pour produire une interface et une expertise sectorielle pour dire mais en fait une bonne politique agricole, c'est pas forcément qu'une bonne politique agricole qui ne distord pas le marché. C'est évidemment la FAO, par exemple, et cette organisation n'est pas capable, de façon assez structurelle, de produire ce genre de position, de participer au débat international sur les politiques agricoles. Donc vraiment, on a un changement des politiques agricoles au niveau international qui se fait à travers des organisations interétatiques et sans médiation sectorielle. D'ailleurs, à ce propos, j'ai publié un papier récent, enfin, c'était cet été, dans la Revue française de sciences politiques, où j'essaye d'analyser l'incapacité de la FAO à exister dans les débats internationaux. Et donc ça, c'est un, je crois, RFSP de juin ou d'août 2009. Donc ça, c'était le constat des années 80-90. Et donc mon hypothèse, c'est de dire que je m'interroge, est-ce que ce processus d'internationalisation continue, puisque effectivement, on a une évolution des choses, mais quand on regarde ce qui se passe à l'OMC, c'est plutôt la paralysie, il ne se passe rien. Donc manifestement, ce processus d'internationalisation à partir de cet acteur central qu'est l'OMC, il semble plutôt en panne. Et en fait, quand on regarde bien ce qui se passe, on se rend compte qu'il y a tout un tas, que sur la base de cette libéralisation des politiques, c'est-à-dire qu'on a eu un retrait massif des États de l'intervention publique sur les marchés, on a une sorte d'uniformisation des produits sur les marchés agricoles, on a l'émergence, l'apparition d'instruments nouveaux qui laissent une place importante aux acteurs privés et qui opèrent une forme de segmentation des marchés à travers l'émergence donc de ces dispositifs de standardisation ou de normalisation volontaire. Donc on a parlé du bio, on a parlé de par exemple, c'est un cas de standard durable, de standard volontaire, pardon. Et je définirais ces dispositifs de normalisation volontaire comme des instruments de politique agricole ou alimentaire qui se caractérisent par le fait de l'existence d'un cahier des charges standard, éventuellement un label qui lui est associé dans le cadre de standard business to consumer, et, ou alors pas de label particulier, c'est le cas des normes business to business, qui ne sont pas visibles, mais simplement c'est des certificats qui se transfèrent entre opérateurs dans les filières et qui permettent quand même la régulation de la filière. On va voir après comment. Et puis, troisième caractéristique, le contrôle, la mise en œuvre de ces politiques de standards volontaires, elle se fait via un contrôle par la certification en partir ce parti. Donc, mon hypothèse, c'est donc là, en gros, j'ai donné un aperçu de tout ce qui est, mais je pense que c'est clair pour vous. Non, si c'est pas clair, vous n'hésitez pas à m'arrêter tout au long de mon propos, ça ne me dérange pas du tout. Mais en gros, simplement, il y a des standards publics, des standards volontaires publics, des standards volontaires privés. Les publics, on en a parlé, on a parlé du vin, les AOC, le label rouge, le bio en France, par exemple. Il y a des standards publics européens, ça c'est le nouveau standard... le logo européen associé au bio, nouveau logo, les AOC également, les indications géographiques aussi au niveau européen, et surtout une normalisation privée avec, que ce soit au niveau national, par exemple, le standard privé, nature et progrès, le standard bio, ou au niveau européen, au niveau privé, on a des standards type Global Gap, mais j'y reviendrai après, qui sont des normes en particulier de sécurité sanitaire. D'une part, et puis des standards transnationaux portés par les ONG, le commerce équitable ou Rainforest Alliance, ce sont des standards de commerce équitable portés par des acteurs privés qui sont des ONG, et puis ceux dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont ces standards multi-stakeholders, c'est-à-dire multi-parties prenantes, la table ronde sur le palmier à huile durable et la table ronde sur le soja responsable. On va voir peut-être éventuellement précisément ce que c'est. Le soja responsable. Ouais. On pourra aller plus dans le détail. Dans cette intervention-là, je ne présente pas dans le détail ce que c'est, mais on pourra y revenir. Tout l'enjeu, justement, vise à définir qu'est-ce que c'est du soja responsable. Et en fonction, évidemment, des acteurs qui le décident, la définition sera différente. C'est un peu ça qui nous intéressait dans ce projet-là. Donc, dans le travail que je vous présente là, mon hypothèse... Alors oui, je suis désolée, j'ai oublié de mentionner, il y a une partie de mon PowerPoint qui va être en anglais, puisque j'ai présenté ça il y a... Mais bon, je le présente... Ça me fera du bien, ça. Parce que j'ai présenté il y a 15 jours à Copenhague et j'ai pas eu le temps, j'étais trop... Non, mais on a ça, non, mais c'est pas très chic. C'est pas très chic, mais en même temps... Il y en a qui en font trop et d'autres pas assez d'anglais, donc ça va... Non, mais je vais dire en français. Ça va gêner tout le monde. Ça c'est plus un pense-bête de moi qu'un document de communication. Donc l'idée c'est de dire, bon, il y a une émergence et une multiplication des initiatives, notamment transnationales, de standardisation volontaire. Comment expliquer cette tendance? Alors il y a tout un tas de travaux, notamment anglo-saxons. En France il y a assez peu de choses, en tout cas sur les standards durables, type dernier type que je vous ai présenté là. Ça se multiplie, vraiment, il y en a, parce que là, je vous ai parlé du soja et de l'huile de palme, mais il y en a sur le coton, il y en a sur le biofuel, il y en a sur le sucre de canne, il y en a sur tout un tas de produits, de matières premières qui peuvent poser des problèmes de type sociaux ou environnementaux et qui s'échangent sur les marchés internationaux, et en particulier qui partent des produits, sont des produits tropicaux produits dans les pays du Sud et qui arrivent sur les marchés européens avec éventuellement la mise en place de contestations par des ONG, des environnementalistes et qui font pression sur les firmes à travers notamment des menaces de boycott. Et c'est suite à ça qu'on assiste à l'émergence de ces standards qui ont vocation à mettre en place de meilleures pratiques de production. Parler des standards de type fair trade. J'y viens. D'accord. Parce que, en fait, ouais, j'y viens. Donc, pas extrêmement bien construit mon exposé, mais j'y viens. C'est compliqué de présenter en général et en même temps. Donc, parce que je ne voulais pas vous présenter cette... C'est une partie du travail, c'est l'émergence de cette communauté transnationale des standards durables. Mais pour la décrire, il fallait un peu que j'évoque avant. Mais j'y viens plus précisément là. En gros, l'idée, c'est de dire comment on explique cette tendance à la multiplication des standards en général, hein, de tous ces standards volontaires. Les travaux américains, ou anglo-saxons en tout cas, sur lesquels je peux m'inspirer, c'est ceux qui mettent en évidence la nécessité d'avoir une approche politico-institutionnelle de ces questions-là, et non pas que économique, il y a tout un tas de travaux économiques là-dessus, et notamment Bartlet qui souligne le fait que pour que ça émerge, il faut qu'il y ait à la fois des acteurs qui aient un enjeu dans ce sens, à la fois sur les marchés et du côté des gouvernements ou des ONG. Et effectivement, ça c'est les travaux qui ont été mis en place. D'autres travaux ont souligné le caractère isomorphique de ces standards volontaires, notamment dans leur structure de production, enfin dans leurs institutions. Et ils soulignent des similarités très fortes entre standards, alors que ce n'est pas forcément évident au départ. Et puis ils font l'hypothèse, et ça c'est une grosse hypothèse de ces travaux, qu'il y a une sorte de champ organisationnel qui émerge et qui est très... avec des similarités très, très fortes entre standards. Et il souligne le caractère très interconnecté de tous ces types de standards. On va voir précisément ce que ça fait. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant, cette hypothèse de champ organisationnel, mais que... Est-ce que c'est beau, vous voulez revenir à la... Ouais. Non, parce que vous n'avez pas parlé de Bartlet aussi. Bartlet Smith, ils disent que, si j'ai dit qu'ils soulignent beaucoup, c'est des auteurs qui font des travaux avec des réseaux, et ils soulignent le fait que quand un acteur se trouve dans du fair trade, il a des chances d'avoir des rapports avec des mecs qui sont dans RSPO, dans RTS, et ils font des sortes de cartographies des réseaux, des gens qui travaillent, enfin en tout cas des organisations de standardisation qui sont au niveau transnational. Ah oui. Donc il y a une forte interconnexion entre ces standards, ces organismes de standardisation. Donc l'idée de... Donc il y a effectivement un champ organisationnel qui émerge autour de la standardisation volontaire, mais moi ça me semble un peu court comme description, puisque ça ne permet pas de mettre en évidence tout un tas d'enjeux politiques, de tensions, de conflits, et puis le rôle des idées qui, moi... en tout cas mes chers, dans l'explication de l'émergence et des transformations des politiques publiques et privées. Et en effet, quand on regarde un peu de près ces politiques, elles reposent à la fois sur des dispositifs discursifs spécifiques, puisqu'elles sont mises en place sur la défense sur l'intérêt général, le fait qu'il faille protéger la planète, etc. Et puis sur l'idée qu'elles vont permettre de produire du bien commun. Et puis... Elles se mettent en place aussi sur des dispositifs institutionnels qui sont censés mettre en pratique ces discours. Et en particulier, si on pense aux standards durables, ils se présentent comme inclusifs, participatifs, transparents et à vocation démocratique. Donc, ça prouve bien qu'il faut aller un peu au-delà de simplement l'idée de montrer qu'il y a un isomorphisme entre ces standards. Donc, d'où mon hypothèse de l'émergence d'un comité des standards durables, et les questions que je pose, c'est comment les idées sur ces standards sont produites, c'est-à-dire comment ils émergent, comment elles circulent et comment elles s'institutionnalisent, et puis quels sont les rapports de force entre acteurs, entre organisations qui les portent, et comment se construit ce compromis entre acteurs qui fait qu'on peut dire qu'il y a une communauté des standards durables. Donc voilà, ça c'est la preuve. Donc en gros, mon plan d'intervention, c'est pas la peine de lire, c'est ma première partie, parce que ça c'était que l'introduction. En première partie, je vais essayer de décrire la variété des standards durables, donc c'est là où je vais répondre à votre question. La grande variété qu'il y a, mais en même temps, les points communs qu'ils ont tous ces standards. Ensuite, autour de l'idée qu'ils ont des origines, enfin qu'il y a en tout cas que... leur tendance évolutive commune, elle s'explique par des idées qu'on peut tracer dans le champ académique. Donc j'essaierai de vous montrer d'où ça vient, ces idées-là. En tout cas, quelles idées sont importantes pour comprendre l'évolution de ces standards. Et troisièmement, essayer de voir un peu à la fois les tensions économiques et politiques qui existent au sein de cette communauté des standards durables. C'est bon pour l'instant ? C'est encore un peu peut-être obscur, mais ça va peut-être s'éclairer. Alors, la première partie, c'est sur les instruments et les institutions d'une communauté transnationale des standards durables en émergence. Donc, les premiers types de standards, c'est ceux que j'ai montés tout à l'heure en essayant tout simplement... Tout à l'heure, c'est simplement pour dire qu'il y a des standards publics, des standards privés et des standards à tous les niveaux, européens, nationaux, internationaux. Là, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement des standards qui sont au niveau transnational. Donc, bio... Fairtrade, les standards et on verra les autres après. Donc les pionniers, les pionniers, ce sont effectivement les standards organiques, c'est-à-dire agriculture bio, qui ont émergé les premiers en tant qu'instrument de régulation, instrument de politique économique, si on veut. C'était donc des standards privés, tous, au départ. Dans certains pays, comme en France, ils ont été... repris par les pouvoirs publics, mais c'est, de toute façon, c'est quand même intéressant. Je trouve qu'il y a quand même privatisation dans la mesure où toute l'implémentation, toute la mise en œuvre est prise en charge par des acteurs privés dans le cadre de la certification par tierce partie. Mais là, en l'occurrence, l'idée, c'est de dire qu'on est parti de standards qui étaient portés par des acteurs locaux et à partir de systèmes basés sur la confiance, sur la proximité. Dans le cadre du bio, c'était les producteurs et les consommateurs. Enfin, il y a des gens qui devraient plus qualifier que moi pour le dire ici. On y reviendra peut-être. Et le standard bio au niveau international a clairement évolué vers des systèmes un peu d'arrangements locaux basés sur la confiance, vers des standards beaucoup plus clairement définis, facilement contrôlables, etc. Donc ça, c'est une première évolution qu'on retrouve exactement pareil dans le fair trade. Qui est porté, enfin, c'est-à-dire le commerce équitable, porté par des organisations de commerce alternatif au départ, peu organisées, notamment qui pratiquaient l'auto-certification ou la certification par seconde partie. Et on a une évolution clairement vers une organisation beaucoup plus stricte, une définition du standard beaucoup plus stricte, un standard presque unique qui est le standard FLOW de la Fair Trade Labeling Organization qui a fédérer, harmoniser l'ensemble des standards en commerce équitable. Donc vraiment une organisation, à la fois une sorte de rationalisation des standards, et puis une organisation collective qui se met en place au niveau international, très tôt pour le bio avec la mise en place de l'IFOAM, puisque c'était au début des années 70, un peu plus tard pour le fair trade, puisque c'est apparu et ça a pris de l'ampleur après avec FLO, donc ce Fair Trade Labeling Organization en 97. Et puis on constate dans les deux cas une sorte de succès de cette standardisation équitable bio, avec de plus en plus la mise en rayon, enfin par des circuits de commercialisation qui sont différents. Autrefois, c'était plutôt des circuits de commercialisation marginaux et alternatifs, et on trouve de plus en plus de bio et de commerce équitable, vous savez très bien, dans la plupart des supermarchés et des grands distributeurs. Donc ça, c'est les standards pionniers où on voit cette évolution vers une forme de la certification par tierce partie, l'organisation internationale, etc. Le deuxième type de standard qui a peut-être sur le rôle de ce standard-là, qui date des années 90, ça a été d'illustrer le pouvoir économique que pouvait avoir, le pouvoir politique donc, que pouvaient avoir ces standards. C'est le cas des standards portés par les... Je m'explique. C'est le cas des standards portés par les supermarchés, par les distributeurs, en fait. C'est par exemple Global Gap, ou IFS, ou SQF, en Australie et aux États-Unis. Global Gap, c'est des standards portés essentiellement au départ par les... par des coalitions de grands distributeurs avec un leadership britannique. Et International Food Standard, c'est les distributeurs français et allemands qui portent ce standard-là. Et donc ce standard, c'est essentiellement au départ... si on prend le cas de Global Gap, donc de la réaction des Britanniques qui ont été les premiers à s'organiser, c'est après la mise en place du Food Safety Act par le gouvernement britannique en 90, c'est-à-dire une législation qui faisait peser la culpabilité, enfin qui dénonçait, enfin qui considérait comme responsable de tout problème sanitaire lié à la consommation d'un aliment le dernier vendeur de cet aliment. Donc c'est-à-dire les supermarchés en règle générale. Et donc pour réagir à ce problème-là, les supermarchés britanniques ont mis en place des systèmes de cahiers des charges qui permettaient de s'assurer de l'innocuité sanitaire des aliments qu'ils mettaient en marché et qui faisaient porter la charge du contrôle sanitaire sur les producteurs. Donc eux, ils ne mettaient pas en rayon, ils n'achetaient pas, ils ne distribuaient pas les produits qui n'étaient pas, qui répondaient pas à leurs standards. C'était des standards par enseigne au départ. Et puis ensuite, ils se sont dit, on ne va pas se faire concurrence sur ces enjeux-là, il n'y a pas lieu de se faire concurrence. Donc on va harmoniser nos cahiers des charges privés. Et ils ont mis en place notamment Global Gap, qui maintenant est devenu un standard tellement important sur le plan du marché que c'est carrément une barrière à l'entrée sur le marché européen. Si je suis un producteur africain de mangue, ou de n'importe quoi d'autre, de fleurs coupées, etc. Peut-être pas de fleurs d'ailleurs, mais pour les questions sanitaires, mais en tout cas de mangue ou de n'importe quoi, de maïs, de je ne sais pas quoi. Si je veux entrer sur le marché européen, si je veux vendre à des supermarchés européens, il faut absolument que j'ai la certification Global Gap ou IFS. Si, et c'est à peu près, en gros, le même type de cahier des charges, hein, mais qui est censé assurer de la qualité sanitaire des aliments. Donc ce sont des politiques privées, mais qui sont quasiment devenues publiques. Et d'ailleurs, Global Gap, au départ, ça ne s'appelait pas Global Gap, ça s'appelait Europe Gap, parce que c'était European Retailer Produce, European Retailer Produce, je ne sais pas quoi, enfin c'était Europe Gap, ça s'appelait, et les pouvoirs publics européens ont demandé à ce que ça change de nom, puisque c'était tellement powerful, hein, ça avait tellement un pouvoir de marché important que la plupart des gens extérieurs à l'Europe pensaient que c'était de la législation européenne. C'est aussi des législations qui sont valables dans les pays non européens quand les grands distributeurs sont européens, n'est-ce pas ? Je pense, oui. Je ne suis pas sûr que ça soit en place partout. Je sais pas, donc Carrefour fait ça dans les pays où il est importé. Alors après, il y a les autres, je ne sais pas si. Normalement, ceci, c'est des standards qui doivent. Voilà. Mais. C'est une bonne question. Je ne me suis jamais posé la question de cet angle-là. Parce que là, ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir que des politiques privées peuvent avoir l'impact d'une politique publique. Parce qu'elles sont normalement volontaires, c'est une sensation, mais en réalité obligatoires. Et d'ailleurs, il y a tout un tas de systèmes de subventions, que ce soit en France, par exemple, pour des producteurs notamment de fruits et légumes, ou pour la mise aux normes Global Gap, ou dans les politiques de coopération européenne, la Commission verse des subventions aux producteurs africains pour se mettre aux normes Global Gap, en considérant que l'objectif, c'est d'accéder au marché européen, et donc il faut les mettre aux normes. Donc c'est vraiment des instruments qui sont quasiment devenus des références, en tout cas pour l'action publique. Il y a aussi ce mouvement-là d'internationalisation avec tout un tas de systèmes pour harmoniser ces cahiers des charges entre notamment la GFSI, c'est la Global Food Safety Initiative qui s'est mis en place entre systèmes de distributeurs. Autre évolution intéressante, c'est que alors qu'au départ ils étaient vraiment centrés sur les questions de sécurité sanitaire, de plus en plus ils introduisent à la fois des critères de justice sociale, de respect de l'environnement en général, de bien-être animal, tout un tas de trucs, alors de façon évidemment très molle, hein, pas très contraignante, mais ils évoluent dans ce sens-là, juste une seconde. Et le deuxième type d'évolution, c'est que de plus en plus, ils introduisent à travers une certaine stratégie de légitimation, des procédures de consultation, notamment par Internet, pour demander l'avis des personnes intéressées sur l'évolution du standard Global Gap. Oui. Le standard Global Gap est quasiment devenu une barrière à l'entrée. Ah bah c'est. C'était une barrière à l'entrée. Est-ce qu'il y a eu, dans un souci d'homogénéisation, peut-être des velléités de la part d'institutions européennes, pour dire aux Britanniques ou à l'État, faites quelque chose, en gros, faites quelque chose pour essayer de suppléer à ces standards qui empêchent des échanges, des libertés de commerce? En réalité, déjà, c'est pas que britannique. Hein, au départ, c'était les supermarchés britanniques qui les emportaient. En fait, maintenant, ça rassemble à peu près tous les distributeurs européens, d'une part. Donc, l'État ne peut rien faire. C'est simplement. Il y a eu une intervention, il y a eu des paroles européennes pour Non. Non, il y a de plus en plus. Alors, effectivement, l'importance de ce standard-là fait qu'on commence à s'affoler à l'OCDE, à l'OMC, enfin à s'affoler, en tout cas à s'interroger sur les, quoi faire, mais à l'OMC, à l'OCDE, enfin à l'OCDE notamment, j'étais à des groupes de travail sur societal concerns, ils appellent ça, et ils essayent de voir comment appréhender ça, mais ils n'ont aucun moyen de l'appréhender dans la mesure où ça n'a aucun caractère a priori contraignant. Ce sont des standards volontaires mis en place par des acteurs privés. Les pouvoirs publics peuvent verser des subventions pour la mise aux normes, mais ils peuvent rien faire d'autre. Peut-être. Et donc il n'y a pas d'enjeu de distorsion de concurrence. Les institutions classiques ne peuvent pas s'opposer à ça. Mais on voit dans les débats des choses très violentes. C'est sûr que l'OMC ou l'OIE, par exemple, sur les questions de bien-être animal, l'argument, c'est toujours de dire « oui, mais c'est des barrières à l'entrée, on ne peut pas, c'est contrairement... » Effectivement, ça s'oppose, mais en même temps, ça répond à une certaine demande des consommateurs. Donc, il y a tout un tas de rapports de force qui se mettent en place, mais qui, pour l'instant, les institutions qui tenaient les rênes de la globalisation ou des processus d'internationalisation des politiques publiques jusqu'à maintenant, ils ne peuvent rien faire puisque ça leur échappe complètement. Ce sont des politiques privées. Donc voilà, donc évolution dans ce sens-là. Donc ça, c'est le deuxième grand type de standard qui apparaît et qui s'est vraiment mis en place dans les années 90 avec vraiment une force considérable. Donc le premier type de standard, c'était porté par des producteurs auprès des ONG, le deuxième par les supermarchés, et le troisième type de standard, qui sont ces standards durables, qui s'inspirent des deux précédents. Ils sont portés par tout un tas d'acteurs, et donc certains auteurs ont parlé du complexe ONG-industrie. Ils sont en fait portés par, au départ, des grands industriels européens et des ONG internationales, et en particulier européennes. Et l'ONG centrale dans cette histoire, c'est le WWF, World Wide Fund for Nature. Et c'est vraiment l'acteur majeur qui met en avant toute une rhétorique pour expliquer l'intérêt de ces standards, parce que, et alors l'idée, c'est, peut-être je commence par le début, les pionniers de cette nouvelle forme de standard, c'est le Marine Stewardship Council et Forest Stewardship Council, qui sont apparus, portés par le WWF et le secteur privé pour la pêche d'une part et les forêts d'autre part à la fin des années 90, et ils ont donné lieu à cette deuxième génération que j'évoquais tout à l'heure, qui sont les tables rondes en palmier à huile, soja, sucre de canne, coton, biofuel, il y en a pour le thé, pour le café, il y a toutes sortes. Et l'idée, c'est que ces initiatives incluent à la fois tous les acteurs de la chaîne de production, des producteurs, aux banques d'investissement, aux exportateurs, aux différents stades de transformation industrielle et aux distributeurs évidemment, et puis des ONG qui pourraient se sentir concernées, que ce soit ONG sociale ou ONG environnementale. Et donc l'idée, c'est de mettre en place des procédures de gouvernance ou de décision autour de la mise en place de ces standards qui soient équitables et qui permettent de représenter l'ensemble de ces acteurs. Et l'ensemble des interactions dans le cadre de ces structures de gouvernance pour la fabrication, la mise en place des cahiers des charges et des procédures de certification, etc., tout est basé sur l'idée de l'apprentissage, de la construction du consensus, etc. Il y a tout un tas de micro-institutions à l'intérieur de cette chose-là pour que ce soit très consultatif, très inclusif, etc. Par exemple, dans la table ronde sur le soja, on va avoir, il y a trois chambres, trois chambres constituantes, les producteurs d'un côté, les industries et les banques au milieu, et puis les ONG environnementales et sociales de l'autre, et on n'a pas de décisions qui peuvent être prises sans qu'on ait une majorité dans les trois chambres. Ça, c'est censé protéger le fait qu'aucune décision n'est prise sur la nature des standards, c'est-à-dire la définition de la durabilité, et sur sa mise en œuvre en général, ou sur l'accréditation des certificateurs qui vont pouvoir certifier, etc., sans l'accord des trois types d'organisations. Donc, c'est ça l'idée qu'il y a là. D'accord ? Et l'idée du WWF, que le WWF pousse beaucoup, c'est que c'est pas faire du bio ou pas faire du FSC, c'est-à-dire pas avoir seulement 3% du marché avec des cahiers des charges très stricts, mais toucher le marché mainstream et arriver à transformer les conditions de production, non pas un tout petit nombre de producteurs, mais sur l'ensemble de la production que ce soit en Indonésie ou en Malaisie pour l'huile de palme, ou que ce soit au Brésil, au Paraguay, en Argentine pour le soja. Hein, leur idée, c'est mainstream, et des problèmes posés par le marché, problèmes environnementaux et sociaux, posés par le marché, par l'explosion de filières hyper dynamiques, etc., de commerce sud-nord, doivent être résolus par le marché à travers la mise en place de standards. D'accord ? C'est clair, ça ? Ok ? Donc, après, l'idée, c'est de dire, bon, bah, ils ont quand même ces standards, ils évoluent vers des structures communes autour de la consultation, de la participation, etc., autour de l'idée de la durabilité et autour d'une organisation transnationale. Alors, voyons un peu d'où viennent les idées qui les légitiment, puisque j'ai dit tout à l'heure que dans le cas de l'internationalisation, en tout cas des politiques agricoles dans les années 80-90, la catégorie de producteurs d'idées, entre guillemets, sur le forum académique, qui a eu un rôle majeur, c'était les économistes, et en particulier les économistes du bien-être, spécialisés sur le commerce international. Là, on n'est plus dans cette configuration-là. On va voir que les économistes, ils ont un petit rôle, mais marginal par rapport à d'autres types de sciences. Alors, là, les économistes ont un rôle et ils mettent en avant le fait que, effectivement, il faut, dans la mesure où on a des problèmes d'asymétrie d'informations sur les marchés, la mise en place de standards et de procédures de certification permettent de corriger ces asymétries et ces dysfonctionnements du marché en rétablissant une information correcte sur le marché. Et il souligne aussi l'importance de la certification par tierce partie et l'indépendance du certificateur par rapport aux standards setters. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi une évolution commune de trois types de standards que j'ai évoqués qui vont tous, si je l'ai dit quand même, et qui vont tous d'un système de certification un peu olé-olé vers une certification par tierce partie avec une déconnexion très forte de l'organisme de production du standard, standard setter, une déconnexion et une indépendance entre l'organisme qui définit le standard et l'organisme qui va certifier, contrôler la mise en place des pratiques correspondant au standard. Ok ? Donc ça, c'est et ça, évidemment, c'est alimenté par un discours économique qui légitime à la fois l'usage de la certification par tierce partie et cette séparation formelle entre organisme de certification et organisme de standardisation. Mais, étonnamment, pour une politologue, puisque je fais des sciences politiques, alors que dans l'évolution, les évolutions précédentes, les gens de sciences politiques avaient à peu près aucun rôle, là, on voit qu'il y a vraiment un rôle majeur des sciences sociales non économiques, et en particulier la science politique anglo-saxonne, dans l'évolution des choses, et en particulier dans la théorisation de la défaillance du rôle de l'État et des organisations internationales pour répondre aux effets pervers de la globalisation. Non seulement on se rend compte qu'il y a des effets pervers, notamment sur les questions environnementales et sociales, et on se rend compte par ailleurs et on explique que de toute façon l'État et les organisations internationales sont structurellement incapable de s'en occuper du fait de la nature transfrontière des problèmes soulevés, du fait que l'État serait incapable de répondre d'être en phase avec l'accélération technologique et l'innovation sur les marchés, et puis le fait qu'il faille mettre en place une diffusion très rapide du savoir et des approches interdisciplinaires que ces structures étatiques seraient censées être pas capables de faire alors que le privé est capable de le faire. Donc, il y a tout un tas toute une littérature sur les partenariats publics-privés, sur les réseaux de politiques publiques globaux, sur la gouvernance globale, sur la gouvernance collaborative, qui vont essayer de mettre au cœur des pratiques à la fois la question de la participation et les échanges publics-privés. Et ils redonnent un rôle, vraiment, ils théorisent le rôle de l'acteur privé dans la conduite des affaires publiques. Donc ça, c'est du côté de l'État. Et du côté des entreprises, il y a toute une rhétorique des sciences du management autour du besoin pour les firmes de prendre en compte leur environnement, pas seulement économique, mais aussi social et environnemental, et à travers tous les discours et les travaux sur la corporate social responsibility, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et donc, il y a tout un tas, on peut trouver tout un tas de travaux qui va théoriser, donner des outils pour comprendre comment et pourquoi les entreprises ont intérêt carrément à prendre en compte leurs impacts environnementaux et sociaux, non seulement pour des raisons de relations publiques, non seulement pour des raisons de meilleure efficacité de leur travail, mais aussi pour des questions d'avantages compétitifs. Donc il y a toute une théorisation sur l'intérêt pour la firme de s'occuper de ça, et aussi toute une littérature sur les multi-parties prenantes, puisque multi-stakeholder, les dialogues multi-stakeholder, ça vient de travaux de Freeman qui a dit que la firme ne devait pas seulement s'occuper des shareholders, c'est-à-dire des, comment on appelle ça en français, shareholders, les actionnaires, mais aussi des stakeholders, c'est-à-dire les porteurs d'enjeux différents. Donc toutes ces idées-là, elles poussent vers la mise en place de multi-stakeholder initiatives et de gouvernance publique-privée. Ensuite, l'idée, c'est de voir un peu comment elles se diffusent. Et là, on voit très clairement, du côté de l'académie, des acteurs phares qui se retrouvent à la fois dans l'académie et dans la pratique de ces standards. C'est le cas de John Ruggie en sciences politiques, par exemple. John Ruggie, pardon, on dit, je crois. Et où Simon Zadek, qui se retrouve, il est à Harvard, les deux sont à Harvard, l'un en management, l'autre en relations internationales, je crois, et ils se retrouvent dans tout un tas d'organisations pour mettre en place ces partenariats publics-privés ou ces initiatives privées. Voilà. Donc vraiment des acteurs qui se définissent, c'est le cas de Simon Zadek que j'ai interrogé par exemple, vraiment non plus comme universitaire, mais comme activiste des standards durables. Et puis il y a tout un tas de think tanks qui se mettent en place, c'est le cas du Global Public Policy Institute ou de l'association Accountability qui est dirigée par Simon Zadek. Il y a tout un tas de fondations qui financent ces initiatives, etc. et qui donc par ce biais-là aident à la diffusion de ces idées. Et puis des consultants qui sont spécialisés, qui se spécialisent de plus en plus sur... Ils ont une offre de services autour des standards durables, que ce soit production, élaboration d'un standard durable, que ce soit capacity building, c'est-à-dire formation des acteurs autour du standard durable. Il y a tout un tas de champs de spécialités autour desquels ces consultants privés se spécialisent. Il y en a quatre principaux: ProForest, One World Standard, Accountability, qui est un gros consultant aussi, et puis le quatrième, Peak Consulting, pour l'instant, mais il y en a tous les jours qui sont créés, ces consultants sur les standards durables. Donc ils proposent tout un tas de services, ingénierie institutionnelle, facilitation, capacity building, etc. Et donc ça, c'est ce que les théoriciens du transfert de politique publique ou privée appellent government, non-government transfers, mais il y a aussi des transferts portés par les gouvernements, parce qu'effectivement, ces initiatives, elles sont toutes, les trois types de standards, comme on l'a vu, c'est des initiatives qui se déclarent, qui se mettent en avant comme des initiatives privées, mais en fait, il y a des financements publics très importants qui les portent, et en particulier... financements qui viennent de pays européens, spécifiquement les Pays-Bas, très fortement présents, la Suisse et l'Allemagne. Et quand on interroge les gens des États qui s'occupent de ces standards durables, ils vous expliquent très clairement qu'ils considèrent ces standards durables privés, donc, comme des nouveaux instruments de politique de coopération et de développement. Et ça leur permet d'aller dans des pays via le secteur privé dans lesquels ils n'auraient pas été acceptés en tant que politique de coopération et politique de développement. D'accord ? Donc il y a une présence forte de certains États particuliers même qui financent ou qui, par exemple, mettent en place des workshops de diffusion sur le terrain, etc., mais qui ne sont pas membres formels de ces initiatives. Et puis, il y a des organisations internationales. Alors, en particulier, l'IFC, c'est la Société financière internationale. C'est la branche investissement dans le secteur privé de la Banque mondiale. Et eux, ils sont notamment fondateurs du standard sur le soja, fondateurs du standard sur l'huile de palme, et tout un tas d'autres standards comme ça qui ont émergé, et où ils sont vraiment partie prenante, et ils sont membres de ces trucs-là. Et puis la CNUSED aussi, qu'on retrouve, mais de façon un peu plus marginale, dans ces initiatives. Donc une implication d'instances gouvernementales autour toujours de cette rhétorique du partenariat public-privé, bien sûr. Donc ça, c'était un peu les idées d'où elles viennent et comment elles se diffusent. Et puis, dernière partie, mais ça, je vois que je suis dans les temps, autour de cette communauté des standards durables, comment on peut la caractériser en termes dynamiques, à la fois, et moi, sa caractéristique, enfin, mon idée, c'est de dire que ce n'est pas seulement des dynamiques économiques qui la façonnent, mais aussi des dynamiques politiques. On va voir que, à la fois du côté de la certification et du côté de la représentation de ce secteur, enfin de cette communauté, il y a des enjeux qui se jouent. Alors, du côté économique d'abord, autour de la certification, on a assisté avec l'émergence et la multiplication de ces standards, que ce soit bio, fair trade ou équitable, ou durable, on assiste à une transformation profonde du champ de la certification. D'abord, on a vraiment une professionnalisation et une concurrence accrue au sein de ce secteur. On voit par exemple, alors qu'au départ, les organismes de certification étaient essentiellement spécialisés dans le bio, puisque c'était ce qui a émergé au départ et qui s'est développé au départ, eh bien, ces petits organismes de certification laissent la place à des grands organismes de certification beaucoup plus industriels, comme SGS, tous ces grands trucs d'audit et de certification qui certifient d'habitude des process industriels et qui viennent sur ce type de standards, et qui viennent sur le bio aussi, et sur tout un tas de choses au niveau international. Donc vraiment un changement dans le type d'acteurs en présence. On remarque aussi que des ONG qui au départ étaient essentiellement des ONG de standardisation, enfin qui définissaient des standards, notamment dans le commerce équitable, maintenant deviennent aussi certificateurs, tout en se séparant, enfin en se séparant, puisqu'on a dit qu'il fallait séparer les choses. C'est le cas de Oud Certified qui s'occupait de café durable, notamment, enfin de café équitable, pardon, ou Rainforest Alliance, qui mettent en place des organismes de certification. On a de plus en plus, enfin, les organismes de certification essayent de plus en plus d'être ce qu'on avait appelé là One Stop Shop for Certification, c'est-à-dire le fait de pouvoir offrir tout un panel possible de certification pour que les clients puissent certifier tout un tas de standards pour accéder à tout un tas de marchés. On observe, donc ça c'est des stratégies d'existence sur ce marché de la certification en réalité, un marché hyper concurrentiel. Et puis on observe aussi, donc à part ces phénomènes de concurrence, des phénomènes de coopération. Par exemple, quand des organismes de standardisation ne sont pas présents sur une aire géographique, ils vont déléguer par exemple des contrats auprès d'autres certificateurs avec qui ils coopèrent. Ou bien quand ils n'ont pas l'accréditation, parce que pour être accrédité, c'est-à-dire avoir le droit de certifier, ça coûte très cher, de même que la certification coûte cher au producteur, l'accréditation coûte cher au certificateur. Et donc quand on n'a pas une accréditation, par exemple pour un standard donné, qu'un client fidèle nous demande une certification donnée, eh bien on va déléguer à un autre certificateur. Donc il y a des systèmes de coopération. Et il y a aussi une diversification des organismes de certification. C'est le cas, par exemple, Oud Certified, qui est un de ces pionniers dans le commerce équitable et qui se retrouve massivement présent sur les standards durables, type huile de palme, type soja, enfin ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eux, ils essayent, ils se spécialisent, par exemple, ils ont l'exclusivité pour RSPO, pour la certification, enfin, la surveillance de la traçabilité des volumes d'huile de palme mis en marché. C'est hyper technique, mais en gros, quand on met de l'huile de palme en marché, c'est pas comme le bio. Le bio, on ne peut pas mélanger des fraises bio et des fraises pas bio, et au bout du compte, dire, ben, si j'avais 1 kg de fraises bio sur 100 kg de fraises, j'en reprends 1 kg au pif et ça va être mes fraises certifiées. C'est vraiment le... Tandis que là, c'est des produits où c'est juste les conditions de production qui comptent, donc c'est des certifications des conditions de production et pas du produit lui-même. Donc on peut mélanger tout ça, mais il faut qu'au bout de la chaîne en Europe, on puisse distinguer en volume au moins. Donc il y a tout un tas. Pour RSPO, par exemple, il y a 4 systèmes de suivi différents possibles en fonction du nombre de volumes qu'on mélange pas, enfin bon. Et OOTS, par exemple, c'est spécialisé et a l'exclusivité pour RSPO du contrôle avec tout un système informatique. À chaque fois qu'il y a un transfert des volumes d'un bateau à l'autre ou d'une industrie à l'autre, il y a des systèmes de signalement des certificats, enfin c'est compliqué. Et eux, ils se sont spécialisés là-dessus. Et ils briquent clairement, quand on les voit sur le soja où le standard n'est pas encore mis en place, ils se positionnent très clairement en faisant du sponsoring de RTRS pour avoir le marché aussi de RTRS. Donc il y a des enjeux très forts. On peut voir aussi des diversifications aussi en termes de, d'activité. Un ancien de Wood Certified devient, est maintenant à la tête d'une une entreprise qui s'appelle Green Palm et qui, lui, est spécialisé dans la mise en place de marchés virtuels de certificats durables d'huile de palme. Il y a, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'acheter directement, si je suis un industriel européen, mais que c'est trop compliqué. Moi, j'ai mes clients, j'ai mes producteurs habituels, mes fournisseurs habituels, et je ne veux pas en changer, et ils ne font pas de l'huile de palme durable, et que j'ai besoin quand même pour ma communication ou pour mes besoins de ma politique de CSR en Europe, j'ai besoin de faire comme si, ou en tout cas de participer à l'huile de palme durable, et ben je peux acheter des certificats virtuels qui correspondent en réalité à des volumes mis en marché, mais qui sont dispatchés on ne sait pas où. Et là, il y a une entreprise qui s'occupe de mettre en place ce marché virtuel des certificats. Donc, et ben ça, c'est voilà une activité particulière qui se met en place aussi. Et puis, on voit aussi, à l'inverse, des organismes de certification qui deviennent eux-mêmes standard setters, c'est-à-dire qui fabriquent des nouveaux standards, notamment sur des marchés où il n'y a pas trop de concurrence, comme le commerce équitable, où c'était devenu plus qu'un standard. Donc il y a tout un tas de certificateurs qui essayent maintenant de mettre en place leurs propres standards. Donc ça se multiplie dans tous les sens. Mais... Donc voilà, donc il y a vraiment une structuration de ce champ professionnel de la certification et... vraiment, on peut considérer que les certificateurs ont un rôle politique, un rôle économique, mais aussi politique, puisque c'est eux qui vont décider de qui est dans le marché et qui ne l'est pas, par exemple. Et puis, ils sont clairement aussi des traducteurs, dans la mesure où c'est eux qui sont en charge de mettre en œuvre les politiques. C'est eux qui vont sur le terrain traduire ces politiques et interpréter, par exemple, le texte d'un cahier des charges qui est souvent très flou, aux conditions locales et... finalement définir la réalité de la mise en pratique de ces standards. Et puis évidemment, dans la mesure où leur business est basé là-dessus, ce sont des promoteurs très actifs, en plus des consultants, des think tanks et tout ça, de ces instruments de régulation. Donc on a vraiment la structuration d'une communauté professionnelle particulière. Alors, pour finir, je parlerai des enjeux de représentation politique, puisque cette communauté des standards durables, elle n'est pas basée seulement sur l'existence de dynamiques économiques et sur l'existence d'un corpus discursif commun ou bien d'un champ organisationnel, puisqu'on a parlé des isomorphismes organisationnels entre ces standards, mais c'est aussi lié à de la représentation politique. En effet, on a un organisme qui a émergé... en 2002, qui s'appelle ISEAL, qui est l'International Social and Environmental Accreditation and Labeling Alliance, et qui se présente comme un hub pour la communauté des standards durables, c'est-à-dire comme à la fois un endroit de rencontre et un représentant des standards durables en général, auprès à la fois des États, des organisations internationales, des certificats, de toute cette communauté. Eux se présentent comme étant les représentants de l'ensemble des standards. Et leur motto, c'est clairement créer un monde dans lequel la soutenabilité ou la durabilité écologique et la justice sociale deviennent les conditions normales du business. Donc ils ont vraiment, ce sont vraiment des prosélytes, ils croient vraiment en le pouvoir des standards durables en général, des standards en général, des standards volontaires, dans la mise en place d'une globalisation meilleure. Et donc, leur activité, c'est à la fois de représenter ces standards, d'en faire la promotion, mais aussi d'en accroître la crédibilité. C'est leur leitmotiv, c'est aussi de dire que leur rôle, c'est de produire des standards, en fait, pour faire du bon standard, par exemple. Ils ont un code d'éthique, un code de bonne pratique pour mettre en place des standards durables. Ils ont, donc c'est vraiment qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour être sûr que notre standard est bien bon, correct. C'est-à-dire qu'il va falloir, par exemple, c'est des choses aussi bêtes que il faut 4 phases de consultation publique, de 30 jours chacune sur Internet, un minimum de 10 workshops sur le terrain, que il va y avoir, ils vont aussi, par exemple, systématiser la phase de field testing, c'est-à-dire de test sur le terrain d'un premier prototype de standard, etc. Donc c'est vraiment un système de recettes pour faire du bon standard. Et donc, tous les membres d'ISEAL s'engagent et doivent, de toute façon, suivre ces codes de bonne pratique. Ils en ont donc leur code central, c'est vraiment le code de bonne pratique pour faire du bon standard environnemental et social. Ça va aussi déterminer, par exemple, qui doit être là, comment se font les décisions, etc., etc. Et puis, ils ont lancé là un code pour bien évaluer les impacts des standards durables et un code pour mettre en place, et ça c'est pour 2012 celui-ci, sur des bonnes pratiques d'accréditation et de certification. J'ai une question, qui est-ce qui le porte alors? J'y arrive, en fait, donc ISEAL c'est vraiment une organisation, ils sont pour l'instant 15 employés, disons, de cette organisation, mais qui représentent tout un tas de membres, et les membres sont très divers. Ça va de l'IFOAM, donc représentant de l'agriculture biologique, à FLO, l'organisation dont j'ai parlé de représentation du commerce équitable, en passant par FSC, Forest Stewardship Council, donc tous ces types de standards, ils s'y retrouvent. Par exemple, les ONG type UVF en sont partie prenante ou pas? Alors, à travers les labels que... Les membres sont des organismes de standardisation ou des organismes d'accréditation, mais pas des ONG comme ça au pif. Mais par exemple, Oud Certified vient de rentrer, en tant que porteur de standards. Global Gap est en train d'y rentrer aussi. Donc c'est vraiment à la fois le bio, à la fois les standards au supermarché. On a cette diversité, tous ces standards que j'ai qualifiés de standards durables en général, qui se retrouvent dans l'ISEAL et qui sont censés... Les financeurs aussi. Pardon ? Ce sont les financeurs qui assurent son fonctionnement. En fait, on paye une fee, une cotisation pour rentrer à ISEAL, qui est basse pour l'instant mais qui est en train d'augmenter. Et leur enjeu, eux, ils sont financés, ISEAL, beaucoup par des politiques de coopération. Les États que j'ai mentionnés tout à l'heure, les Pays-Bas financent, je crois, la GTZ finance aussi. Il faut regarder sur le site, mais ils ont des financeurs institutionnels, quoi. Et ils se financent aussi sur les cotisations de leurs membres, de leurs clients. Enfin, c'est un peu spécial, c'est entre membres et clients. Et c'est des membres, en fait, on peut dire. Il y a des rapports un peu... Mais bon, on va retrouver RSPO dedans, RSPO n'est pas encore dedans, RTRS a demandé à rentrer. On a vraiment cette large, très large communauté présente là-dedans. Donc c'est vraiment toute cette communauté des standards durables qui s'y retrouve. Et alors comment, la question vraiment un peu, c'est de se dire comment des standards aussi différents que Global Gap, qui est vraiment à la fois, enfin ça existe, c'est plus exigeant que la réglementation sur les questions sanitaires, mais en termes de, par exemple, de pratique ou de justice sociale, il n'y a aucun contenu, ou en termes d'environnement, et c'est vraiment des standards très light par rapport, par exemple, à du bio Nature et Progrès qui fait partie d'IFOAM, ça n'a strictement rien à voir en termes de une vision d'écologie politique, par exemple. Et comment ça se fait qu'ils se retrouvent là-dedans et qu'ils sont tous considérés comme étant des moyens pour créer un monde dans lequel les conditions du business sont respectueuses de la justice sociale et de l'environnement. Et en fait, c'est vraiment la base de l'idée là, c'est qu'ils définissent la durabilité, justement, mais uniquement à travers des procédures, toutes ces procédures, tous ces codes dont je vous ai parlé. Le fait de répondre aux codes et d'avoir des structures institutionnelles qui correspondent aux points de ces codes, aux différents points contenus dans ces codes, fait qu'on est considéré comme durable. Et jamais ils ne discutent du contenu des standards. Il y a une forme de dépolitisation, en fait, à travers la concentration sur les questions institutionnelles. Ces procédures, quand vous avez décrites, elles sont éminemment politiques. En même temps, s'il y a vous avez parlé tout à l'heure de concertation multiple, de prise... Ouais. Voilà. Donc, si on veut, c'est politique. En tout cas, pour eux, le fait d'être... Alors, on peut... Dans cette intervention-là, je ne suis pas rentrée dans le détail du fonctionnement de ces standards. Je vous ai expliqué par exemple que sur le soja, on ne peut pas avoir de décision qui soit prise sans que qu'il y ait un accord dans les trois chambres représentant les ONG, les producteurs ou l'industrie et les banques. Mais en même temps, ça c'est vraiment ce qu'eux vont mettre en avant en premier. Mais quand on regarde comment ça fonctionne réellement dans le fond, on peut en dire un mot, on a une dépolitisation complète des débats, c'est-à-dire qu'on a un fonctionnement institutionnel qui effectivement fonctionne. mais on a une équité a priori formelle dans la mise en place des débats sur le standard, etc. Mais dans les faits, on va avoir des rapports, des asymétries de ressources discursives énormes, de ressources financières énormes. C'est-à-dire, pour être présent, c'est des standards transnationaux. Ça se passe, par exemple, soyons très concrets, pour le standard sur l'huile de palme, les fois où j'y suis allée, moi, c'était une fois à Bali, une fois à Kuala Lumpur, une fois pour le soja, c'est Buenos Aires, puis Sao Paulo, puis le Paraguay. Enfin, c'est déjà autour du monde. Donc, il faut pouvoir payer le billet d'avion. C'est dans des hôtels type Hilton, Grand Hyatt. Donc, c'est vraiment des palaces où il faut pouvoir à la fois payer pour rester, mais en plus avoir des ressources sociales pour pouvoir interagir et exister dans ce monde-là. Après, il y a tout un tas de problèmes de participation. Donc, c'est très participatif, les débats, effectivement. Il y a tout un tas de technologies. J'ai une collègue qui a travaillé très précisément sur les formats d'engagement, enfin, sur ce qu'elle appelle les régimes d'engagement. Elle est sociologue des formats. Elle montre que, effectivement, on attend pour l'interaction des qualités que tous les acteurs n'ont pas. Si je suis un petit producteur d'huile de palme, je ne parle pas anglais déjà, je ne peux pas participer au débat puisque les débats sont uniquement en anglais. Donc ça fait des incompréhensions fortes avec des gens qui des fois prennent le micro, parlent que l'ambassade indonésia, des gens autour ne comprennent pas. Enfin, donc, vous voyez, il y a des histoires d'asymétrie de ressources pour exister dans ces débats et dans la mise en place de ces standards qui font que, au final, par exemple sur le soja, eh bien, on va jamais remettre en question la question de la monoculture ou jamais mettre en question la question des OGM. Le standard durable de soja est considéré comme étant un standard neutre technologiquement et qui va pouvoir s'appliquer à la fois au bio, à la fois au conventionnel et à la fois aux OGM sans problème. D'accord ? Donc il y a des formes, c'est très politique de mettre en œuvre la participation de tout un tas d'acteurs là-dedans, mais c'est très politique aussi d'évacuer du débat le contenu qu'on pourrait considérer comme autrement politique. D'accord ? Donc vraiment tout l'enjeu de ces standards et à la fois des vieux standards portés par des mouvements sociaux, etc., qui évoluent vers des choses beaucoup plus systématiques, beaucoup plus déconnectées de, par exemple, on peut mettre tel produit, pas tel produit, mais on n'a plus de vision holistique de l'exploitation, mais ça, vous devez bien voir ça sur vos terrains, j'imagine, et ben c'est exacerbé sur des standards de ce type-là. Parce que des codes, c'est des normes, alors. Non. Après, tout dépend comment. Moi, j'appelle. On peut appeler standard et norme en anglais, c'est des mots différents. Moi, j'utilise le terme de standard en étant défini comme un cahier des charges. Par exemple, autre caractéristique sur les cahiers des charges. Les cahiers des charges, par exemple. Il y a tout un débat sur les cahiers des charges en bio autour du fait que ça devient juste de la substitution de produits et on ne remet pas en question le modèle de modèle agricole qu'il y a derrière. Bon, c'est une chose. Sur les standards durables, par exemple, là, ça ne va être pas des standards de do or do not. Là, on a le droit de faire ou on n'a pas le droit de faire. Même plus ça, c'est des standards basés sur des progrès. Si on est en progrès sur tel indicateur, alors on va être certifié au correct. Donc c'est même plus... On est censé s'améliorer à partir de l'existant. Si l'existant est basé sur du travail esclave et une pollution maximale des écosystèmes, et puis etc., et ben, l'important c'est d'aller vers du mieux. C'est quand même très différent comme fond. La politique qui concerne les OGM ou autre, au moins il y a des discussions qui tendent, par exemple, par le biais des indicateurs, à faire bouger les choses. Peut-être que les discussions portent non pas sur les OGM, mais sur les indicateurs. On va dire que cet indicateur-là n'est pas pertinent, il peut être changé de manière à ce qu'un groupe qui est représenté au sein de ces arènes-là puisse. Oui, absolument. Non mais avec les indicateurs existants, à ce moment-là. Non mais on va. Alors là, il y a vraiment des visions du monde qui sont. C'est-à-dire que les promoteurs de ces standards, ils vont vous dire, par exemple, les gens du WWF, ils ont très clairement la vue que les problèmes environnementaux et sociaux sont causés par le business et qu'il faut donc se rapprocher du business pour faire changer les choses. et que donc, on va mettre en place ce qu'ils appellent des principes, des critères et des indicateurs, donc des grands principes. Sur les grands principes, ça va être, par exemple, bonne pratique agricole, ça va être bonne pratique financière, ça va être question de la, autour de la déforestation, puisque c'est souvent des enjeux importants, biodiversité, enjeux sociaux, par exemple, et à la, ça, c'est les grands principes, il y en a 9 pour RSPO, je crois, et 5 pour RTRS. Et à l'intérieur de ce grand principe, on va prendre des critères, mais ça va être des critères, par exemple, le critère environnemental. Dans le critère environnemental, si on ne met pas la question des problèmes liés aux OGM, si on ne l'a pas comme critère ou comme indicateur, on ne travaillera jamais dessus. Vous voyez ? Oui, donc, la lutte se fait sur la lutte se fait indirectement en fait, sur la définition des normes ou des variables en fait, pertinentes. Les acteurs luttent pour la définition des indicateurs. Voilà, en fait, ils définissent. L'idée, c'est de définir le standard. Ces associations-là, elles sont là pour faire du standard setting. Donc, de définir le cahier des charges, les principes, critères, indicateurs. Et ensuite, une fois que ça s'est défini, il va falloir toujours le faire évoluer. Bon, mais il y a aussi, qu'est-ce qu'on va mettre sur les étiquettes de produits. C'est des discussions sur tout, vraiment construire une politique. Comme on a dans la mise en œuvre ou l'évolution d'une politique publique au sein d'un État. Sauf que là, c'est des organisations qui vont se charger de ça et qui vont se charger de toutes ces procédures de consultation avec les membres et en dehors des membres pour améliorer la pratique. Mais effectivement, je ne vois pas ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaye de souligner, c'est que en fonction du type de questions qu'on va soulever au sein de ces arènes, c'est-à-dire que, par exemple, oui, sur le... Je me demande justement où est, s'il n'y a pas de lutte apparente sur... Alors, je n'avais pas compris votre question. En fait, il y a, par exemple, sur le standard du soja, au départ, il y avait des ONG qui étaient par exemple, les syndicats de producteurs et des ONG qui étaient porteurs de visions différentes, notamment des producteurs, une petite coopérative du sud du Brésil qui produit du soja non OGM et qui sont dans des exploitations de type polyculture. Et qui refuse la monoculture, qui était tout à fait au départ, quand ça s'est créé, ce standard-là, ils étaient très contents d'y participer, etc. Et au bout de 2 réunions, ils se sont rendus compte que les grands industriels qui étaient en phase 2, c'est-à-dire Unilever, le VVF et Rabobank, les interlocuteurs majeurs dans ce truc-là, refusaient de poser ces questions-là, parce que c'était des questions qu'ils refusaient de poser et qu'ils n'avaient pas leur place à l'intérieur. C'était au départ, RTRS, ça s'appelait RSS, Rentable and Sustainable Soy, et ça a évolué vers Rentable and Responsible Soy, notamment pour ces raisons, quand ça s'est mis en place, parce que ces acteurs-là sont partis tout de suite, en voyant que leurs intérêts, de toute façon, leur vision du monde ne serait pas discutée, ne serait pas portée, et qu'ils ne pourraient même pas exister en portant ces idées-là au sein de cette table ronde. De la même façon... Donc la contestation se fait à l'extérieur. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une réunion de RTRS, la première réunion où je suis allée, c'était à Buenos Aires, c'était au Hilton de Buenos Aires, au plein centre-ville. Il y avait un cordon de CRS autour des cartes de CRS, enfin de leur CRS à eux, là, partout. On aurait dit que c'était un sommet du G8 et qu'ils craignaient une contestation majeure. En fait, elle se fait à l'extérieur et on refuse de l'avoir de l'intérieur. Durable. Ben, il reste. Alors, si vous voyez par exemple les ONG qui sont à l'intérieur, vont vous dire que c'est beaucoup mieux. Ça promeut des améliorations en termes de, par exemple, des gens qui n'avaient pas du tout sur l'huile de palme, par exemple, des producteurs qui n'avaient pas de cahier sur lesquels ils mettaient leurs pesticides. Et ben là, ils sont obligés de noter tous les pesticides qu'ils utilisent, les volumes, etc. Même s'ils en mettent autant qu'ils en veulent, mais il faut le noter. Voilà, par exemple, ça c'est un indice d'amélioration. Après, il faut essayer de raisonner les pratiques. C'est des choses qui... Mais leur idée, c'est de dire... L'idée, c'est l'idée de l'engrenage. Les gens du VVF, ils vous expliquent ça, c'est le spillover effect. On prend à la table 10% des acteurs majeurs du marché, que ce soit du côté des producteurs, que ce soit du côté des industriels, on les fait discuter de tout ça, on met en place des standards, même s'ils sont des exigences minimes. À terme, les effets de compétition entre producteurs et entre industriels vont faire que tout le monde va vouloir être là, que tout le monde va mettre en place les standards minimes, et qu'après, du fait de la présence des ONG, au fur et à mesure, on va pouvoir avoir des standards plus exigeants. C'est ça leur idée. Mainstream avec des standards bas pour évoluer à terme. Parce que, oui. Mais c'est tout à fait minime, vraiment. C'est un peu plus que Global Gap, mais c'est minime.